إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce moment particulier pour un certain nombre d'entre vous et pour les autres ce soir, incha'Allahu ta'ala, à savoir l'entrée du mois grandiose de Ramadan. Ce mois de Ramadan a fait son entrée, c'est le mois des aumônes, le mois des prières nocturnes. فَهُوَ شَهْرُ الصَّدَقَاتِ وَالْقِيَامِ وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ. C'est le mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala révéla son noble livre. C'est un mois que les croyants consacrent presque entièrement leur temps à la lecture du Qur'an, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mois de la bienfaisance, c'est le mois de la piété, c'est un mois béni au cours duquel les mérites des adorations qui y sont accomplies sont décuplés. C'est le mois شهر الصدقات وشهر مواساة الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام. C'est le mois de la générosité envers les pauvres et les nécessiteux, envers les veuves et les orphelins. C'est le mois du pardon et de la miséricorde. Durant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, durant chacune des nuits de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a franchi une partie de ses serviteurs des flammes de l'enfer. Nasallallah azza wa jal an yaj'alana wa iyyakum min 'utaqaihi min an-nar. Qu'Allah azza wa jal nous inscrive et fasse que l'on fasse partie de ceux qui seront épargnés du feu de l'enfer durant ces nuits de Ramadan. Ainsi, notre joie doit être immense à la venue de ce mois. Nous devons l'accueillir par un repentir sincère et par des œuvres vertueuses. Nous devons nous réjouir d'avoir enfin ce mois de Ramadan, ce mois béni à notre portée. Et nous devons chacun et chacune prendre conscience de l'ampleur de cette faveur que nous fait Allah subhanahu wa ta'ala. Cette faveur immense et inestimable de pouvoir jeûner, de pouvoir prier, de pouvoir réciter le Coran, de pouvoir être bienfaisant durant ce mois de Ramadan. Ceci nous impose un total respect, une profonde humilité, une reconnaissance sans commune mesure envers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et à cette occasion de l'entrée du mois de Ramadan, notre joie doit être grande. Et à cette occasion, le prophète alayhi salatu wassalam se réjouissait de l'entrée de Ramadan et félicitait ses nobles compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam annonçait la bonne nouvelle de l'entrée du mois de Ramadan à ses compagnons radiyallahu anhum et il leur disait alayhi salatu wassalam ataakum ramadan شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. أبو هريرة رضي الله عنه rapporte que l'envoyé d'Allah عليه الصلاة والسلام a dit ou avez l'habitude de dire « Ramadan est venu à vous. Allah vous a prescrit son jeûne. Durant ce mois, les portes des cieux s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les diables les plus coriaces sont enchaînés. Dans ce mois se trouve une nuit meilleure que 1000 mois. Celui qui en est privé est vraiment privé de tout bien. Pendant ce mois de Ramadan, les esprits se purifient de l'intérieur et les cœurs se rapprochent de leur Créateur, subhanahu wa ta'ala. Les portes du paradis sont ouvertes, celles de la fournaise sont closes et les diables les plus rudes sont ligotés. Ce mois de jeûne est aussi le mois de l'examen de conscience et c'est le mois dans lequel les croyants se concurrencent les uns les autres dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans son adoration sincère. Durant le mois de Ramadan, les musulmans se tournent vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, les mains de l'humilité dirigées vers le ciel, le cœur craintif qui admet ses torts, ces musulmans qui implorent la pitié et le pardon de leur Seigneur le tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Durant ce mois, le jeûneur alterne entre l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et les invocations. Ils alternent prières et adorations. Le jeûneur, durant ce mois béni, redouble d'efforts afin de parfaire son obéissance et son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Accueillons donc ce mois béni, mes chers frères et sœurs. Accueillons-le avec une sincère intention et une réelle détermination à multiplier les bonnes œuvres. Accueillons ce mois béni de Ramadan après avoir préparé nos esprits par un repentir sincère et avoir préparé nos personnes et les avoir dotées d'une volonté sans faille d'accomplir tout acte méritoire et de se détourner de tout acte blâmable. Accueillons ce mois de Ramadan avec cette détermination de le jeûner tant de façon concrète qu'abstraite. Jeûnons le mois de Ramadan par l'abstention de ses annulatifs et l'abandon de toute attitude qui serait illicite. Et prenons dans cela l'exemple de notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Prenons exemple sur lui dans sa façon de jeûner, dans sa façon de prier, dans sa façon d'être dévoué à l'adoration de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Prenons exemple sur le prophète alayhi salatu wassalam dans sa générosité. Une générosité qui pendant le mois de Ramadan atteignait son apogée, comme nous aurons l'occasion de le voir dans les cours prochains, incha'Allah ta'ala. Et parce que ce mois est un mois béni, parce que c'est un mois important pour chacun et chacune d'entre nous, un mois tant attendu, c'est un mois dont il est important de savoir de quelle manière le prophète alayhi salatu wassalam en déterminait l'entrée ainsi que la sortie. Et à travers cette série de cours que l'on a nommé pour un Ramadan réussi, nous apprendrons comment le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait le mois de Ramadan et de quelle façon il y adorait son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Car pour que notre Ramadan soit réussi, il doit ressembler autant que possible au Ramadan que passait le prophète alayhi salatu wassalam dans tous ses aspects. Et parmi ces aspects, la détermination de son entrée et de sa sortie. Al-Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre excellent Zadul Ma'ad, détaille la voie du prophète alayhi salatu wassalam en matière de détermination de son entrée et de sa sortie. Il dit, rahimahullah, le prophète alayhi salatu wassalam n'entamait le jeûne de Ramadan qu'après une vision oculaire, c'est-à-dire du premier croissant lunaire. Et cette vision oculaire doit être constatée, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a constatée de par lui-même, ou bien à travers le témoignage d'un homme digne de confiance. Il a jeûné alayhi salatu wa sallam Après le témoignage de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, et il a jeûné une autre fois alayhi salatu wassalam et a ordonné à Bilal d'annoncer l'entrée du mois de Ramadan après le témoignage d'un bédouin. Puis il dit rahimahullah, et s'il n'y avait ni vision oculaire ni témoignage, alors il complétait sallallahu alayhi wa sallam le mois de Sha'ban à 30 jours. Et lorsque les conditions atmosphériques ou bien météorologiques ne permettaient pas la vision du croissant lunaire la 30e nuit, c'est-à-dire de Sha'ban, alors il portait le mois de Sha'ban à 30 jours. Il faut savoir que ce qui peut faire obstacle entre nous et le premier croissant lunaire de Ramadan peut être lié à des conditions atmosphériques ou à des conditions météorologiques. Et il y a ici une nuance entre les deux. Lorsque l'on parle de conditions météorologiques, on parle de couches nuageuses qui sont un obstacle entre nous et l'observation du croissant lunaire de Ramadan. Mais il y a aussi les conditions atmosphériques, la qualité de l'atmosphère. En effet, un ciel peut être dégagé, mais perturbé dans son atmosphère par des poussières atmosphériques ou par d'autres phénomènes liés à l'atmosphère. Et cette vision, cette recherche du croissant lunaire, a lieu la 30e nuit du mois de Sha'ban. Et c'est aussi ici une parenthèse que j'aimerais ouvrir, car beaucoup font cette erreur. Certains disent, le croissant lunaire de Ramadan n'a pas été vu la 29e nuit de Sha'ban. Ceci est une erreur. Chez les Arabes, la nuit précède le jour. Chez les Arabes, la nuit précède le jour. Pour ceux qui sont entrés dans le mois de Ramadan hier soir, après la prière du Maghrib, après le coucher du soleil, c'était la première nuit de Ramadan. Et aujourd'hui, c'est leur premier jour de Ramadan. Et cette nuit, ce sera la deuxième nuit de Ramadan. C'est pour cela notamment que les prières de Tarawih ont commencé hier pour ceux qui ont jeûné aujourd'hui. Parce que hier, c'était la première nuit de Ramadan. Et la recherche du croissant lunaire de Ramadan se fait le 29e jour de Sha'ban, c'est-à-dire la 30e nuit de Sha'ban. Et l'on voit cette erreur se répéter beaucoup, même certaines de ces erreurs dans des ouvrages. Ainsi, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, ne voyait pas le croissant lunaire la 30e nuit du mois de Sha'ban, alors il complétait le mois de Sha'ban à 30 jours, puis entamait le jeûne du mois de Ramadan. Et il y a beaucoup de débats à ce sujet, et notamment la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ. Notamment la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, rapportée par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, ne jeûnez pas avant de voir le croissant lunaire, et n'interrompez pas votre jeûne avant de le voir, si des nuages vous en empêchent, estimez-le. فَقْدُرُوا لَهُ. Et certains utilisent ce hadith pour dire qu'il est légitime de déterminer l'entrée du mois de Ramadan ou sa sortie à l'aide des calculs astronomiques. Et ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, estimez-le. Or, les paroles du prophète alayhi salatu wassalam s'expliquent les unes avec les autres. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, faqduru lahu. Estimez-le. Dans ce hadith ici, estimez-le, c'est-à-dire complétez-le, c'est-à-dire complétez le mois de Sha'ban. C'est l'un des sens de faqduru lahu en langue arabe. Et indépendamment de cela, de nombreuses autres versions du hadith et de nombreux autres hadiths expliquent ce que le prophète alayhi salatu wassalam voulait dire par faqduru lahu. Notamment, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, ne jeûnez que lorsque vous le voyez, et ne rompez que lorsque vous le voyez. Si des nuages constituent un obstacle, alors complétez le nombre de jours. Hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Et dans un autre hadith, rapporté par Al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Al-Shahru tis'atun wa ishrun, fala tasumu hatta tarawh, fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddah. Il dit alayhi salatu wassalam: Le mois est composé de 29, c'est-à-dire 29 jours. Ne jeûnez que lorsque vous le voyez, c'est-à-dire le croissant lunaire. Si le ciel est nuageux, complétez le nombre à 30 jours. Et dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Soumou li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma alaykum faqduru 30. Jeûnez à sa vision, c'est-à-dire à la vision du mois lunaire, du croissant lunaire, et rompez à sa vision. Si les nuages constituent un obstacle, alors estimez-le à 30, c'est-à-dire complétez-le à 30. De ces différents textes prophétiques, authentiques, il en résulte donc que l'entrée du mois de Ramadan ne peut se faire qu'à travers deux moyens, et deux moyens uniquement. Le premier moyen, c'est la vision oculaire du premier croissant lunaire de Ramadan, de voir le croissant lunaire avec ses yeux, que ce soit à l'œil nu, ou que ce soit à l'aide de jumelles, ou que ce soit à l'aide d'un télescope. L'important est que le croissant lunaire de Ramadan puisse être vu. Et ceci, bi-ijma'i ahli al-ilm, ceci à l'unanimité des savants. Le deuxième moyen qui permet de déterminer l'entrée de Ramadan, c'est de compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Si le croissant lunaire n'est pas vu la 30e nuit de Sha'ban, alors l'on complétera le mois de Sha'ban à 30 jours. Et le lendemain, ce sera l'entrée du mois de Ramadan. Et ceci, les savants sont quasi unanimes sur cela également, et notamment les quatre écoles juridiques s'accordent sur ce sujet. Reste la question des calculs astronomiques. Est-ce que les calculs astronomiques peuvent être un moyen de déterminer l'entrée ou la sortie du mois de Ramadan? À l'unanimité des savants, c'est un non. Les calculs astronomiques, pour vous schématiser la chose, beaucoup disent c'est une science exacte, c'est une science précise, l'on sait à la seconde près. Effectivement, l'on peut savoir à la seconde près, l'on peut savoir tel jour, à telle heure, le soleil se couchera et la lune se couchera tant de minutes après le soleil. La lune sera éclairée de tant de pourcents. La lune pourra être vue à l'œil nu ou pourra être vue au télescope, ou la lune ne pourra pas être vue. À travers les calculs astronomiques, on peut également savoir lorsque la lune se couche avant le soleil. Et lorsque la lune se couche avant le soleil, il est impossible de voir le croissant lunaire. Il faut que le soleil se couche, puis que la lune se couche après, car c'est le soleil qui éclaire la lune. Toutes ces données nous donnent une idée de ce croissant lunaire, est-ce qu'il peut être vu ou non en théorie. Mais en pratique, c'est tout autre chose. Comme je vous l'ai dit, pour pouvoir voir le croissant lunaire de Ramadan, il faut qu'il y ait plusieurs éléments réunis. Il faut que la lune se couche après le soleil. Il faut qu'il y ait un certain temps d'écart entre le soleil et la lune. Si la lune se couche 2 ou 3 minutes après le soleil, ce temps n'est pas suffisant pour pouvoir voir ce croissant lunaire. Il faut qu'il y ait un temps. Et il faut aussi que les conditions météorologiques et les conditions atmosphériques le permettent. Et ces données météorologiques et ces données atmosphériques ne peuvent pas être déterminées par les calculs astronomiques. C'est un autre domaine qui ne peut pas être prévu à l'avance. Et ce sont des conditions importantes pour que la vision du croissant lunaire puisse être constatée. Donc, les calculs astronomiques donnent une idée, mais ne sont en aucun cas un moyen de déterminer l'entrée et la sortie du mois de Ramadan. Et ceci à l'unanimité des savants. Et la sagesse de notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout sage, a légiféré la détermination de l'entrée du mois de Ramadan et sa sortie par la vision oculaire, afin que cela soit à la portée de tout le monde. Si cela dépendait des calculs astronomiques, il n'y aurait qu'une poignée de personnes qui pourraient déterminer l'entrée ou la sortie du mois de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Nous sommes une communauté qui ne compte pas et qui ne calcule pas », c'est-à-dire en termes de vision de Ramadan. Le mois est de 29 ou 30. Soit le croissant est vu, et dans ce cas, l'on jeûne le lendemain, soit le croissant n'est pas vu, et dans ce cas, l'on complète le mois en cours et l'on jeûne le surlendemain. C'est une religion qui est simple et aisée. Une religion qui peut être pratiquée par le bédouin comme par le plus intelligent des êtres humains. Ainsi, les calculs astronomiques, à l'unanimité des savants, ne sont pas considérés comme un moyen de déterminer ni l'entrée ni la sortie de Ramadan. Et certains peuvent dire, oui, mais il y a un khilaf des savants, il y a la règle, notamment dans la science de Usul al-Fiqh, dans la science des bases de la jurisprudence, c'est que toute parole qui a été précédée par l'unanimité des savants ne doit pas être prise en compte. Une parole qui vient contredire l'unanimité des savants, qui a été précédée par l'unanimité des savants, cette parole, l'on n'en tient pas compte. Et ce n'est en aucun cas considéré comme un khilaf. Pourquoi ? Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La tajtami'u ummati ala dalala ». Ma communauté ne se réunit pas de façon unanime sur une chose qui est fausse. Et cette unanimité, ce ijma', a été attestée par plusieurs savants, comme Al-Jassas, un savant hanafite du 4e siècle, Al-Baji, un savant malikite du 5e siècle, dans son explication notamment de Al-Muwatta de l'imam Malik, Ibn Rushd, un savant malikite également du 6e siècle, dans son livre Bidayatul Mujtahid, et bien d'autres savants, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans ses fatawa également, rapporte l'unanimité des savants à ce sujet. Nous devons donc nous attacher aux principes qui sont les nôtres. Lorsque les savants sont unanimes sur un sujet, l'on ne peut accepter des avis qui viendraient par la suite. Un siècle, deux siècles, dix siècles, plus ou moins, peu importe. À partir du moment où cet avis contredit l'unanimité des savants, il n'est pas pris en compte. Même si tel savant le dit ou tel savant l'atteste, peu importe. C'est une parole qui a été précédée par un ijma'. Ça d'une part. Et de deux, les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam sont clairs à ce sujet. Soumou li ru'yati wa aftirou li ru'yati. Jeûnez à sa vision et rompez à sa vision. Certains disent oui, mais pourquoi est-ce que vous prenez en compte les calculs astronomiques concernant les heures de prière et vous ne les prenez pas concernant le jeûne du mois de Ramadan? Et c'est là où il y a l'importance d'apprendre notre religion, mes chers frères et sœurs. Car la science, c'est une clairvoyance. Par Allah, celui qui apprend sa religion, qui a la conviction et qui a les preuves tirées du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout est clair, tout est limpide. Le prophète alayhi salatu wassalam nous ordonne de déterminer l'entrée du mois de Ramadan par la vision. Soumou li ru'yati. Concernant la prière, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas imposé de constater l'entrée de l'heure de la prière de nos yeux. Allah azza wa jalla a dit Aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Aqimi as-salat, accomplis la prière, li duluki ash-shams, au déclin du soleil. Ila ghasaqi al-layl, jusqu'à la nuit pénombre. Donc ici, Allah Azza wa Jal a lié la prière au déclin du soleil et non à la vision du déclin du soleil. Et c'est là la nuance. Ainsi, lorsque l'on sait, lorsque l'on peut savoir de façon précise à quelle heure le soleil se couche, par exemple, nous le savons que le soleil se couche. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni Allah azza wa jalla nous ont ordonné de prier la prière du Maghrib lorsque l'on constate de façon visuelle et oculaire que le soleil s'est couché. Ce serait une immense contrainte pour l'ensemble des musulmans. Ce qui est demandé, c'est d'avoir la certitude que le soleil se soit couché, par exemple pour la prière du Maghrib, au déclin du soleil pour la prière du Dhuhr, et ainsi de suite, dont les détails sont cités dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Ainsi, chaque adoration peut avoir ses spécificités. Et l'adoration de Ramadan, et l'adoration du fait de déterminer son entrée et sa sortie a cette spécification qui est que son entrée n'est déterminée que par la vision oculaire du croissant lunaire. En espérant avoir éclairé vos lanternes sur ce sujet, Inch'Allah ta'ala. Et pour ceux qui veulent plus de détails, j'avais fait il y a quelques années une conférence d'une heure et demie, un peu plus, sur la détermination de l'entrée du mois de Ramadan, où je parle de ce sujet dans les détails, notamment la vision du croissant lunaire et la réponse concernant les calculs astronomiques et les quelques ambiguïtés qui peuvent être exposées sur ce sujet. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين